Après avoir hérité de trois successions importantes du côté de sa femme, M. Grandet obtint alors le nouveau titre de noblesse que notre manie d'égalité n'effacera jamais. Il devint le plus imposé de l'arrondissement. Enfin, la maison dans laquelle il demeurait était la sienne. Aussi établissait-on sa fortune visible. Quant à ses capitaux, deux seules personnes pouvaient vaguement en présumer l'importance. L'une était M. Cruchot, notaire, chargé des placements usuraires de M. Grandet. L'autre, M. Desgrassins, le plus riche banquier de Saumur, au bénéfice duquel le vigneron participait à sa convenance et secrètement. Les observateurs, eux, pouvaient mesurer l'étendue des capitaux de l'ancien maire d'après la portée de l'obséquieuse considération dont il était l'objet. M. Grandet inspirait donc l'estime respectueuse à laquelle avait droit un homme qui ne devait jamais rien à personne, qui, vieux tonnelier, vieux vigneron, devinait avec la précision d'un astronome quand il fallait fabriquer pour sa récolte 1 000 tonneaux ou seulement 500, qui ne manquait pas une seule spéculation, avait toujours des tonneaux à vendre alors que le tonneau valait plus cher que la denrée à recueillir. Financièrement parlant, M. Grandet tenait du tigre et du boa. Il savait se coucher, se blottir, envisager longtemps sa proie, sauter dessus. Puis, il ouvrait la gueule de sa bourse, y engloutissait les charges d'écus et se couchait tranquillement, comme le serpent qui digère, impassible, froid, méthodique. Personne ne le voyait passer sans éprouver un sentiment d'admiration mélangé de respect et de terreur. Pour quelques personnes, la fortune du vieux vigneron était l'objet d'un orgueil patriotique. Aussi, plus d'un négociant, plus d'un aubergiste, disait-il aux étrangers avec un certain contentement. Monsieur, nous avons ici 2 ou 3 maisons millionnaires. Mais, quant à M. Grandet, il ne connaît pas lui-même sa fortune. Une si grande fortune couvrait d'un manteau d'or toutes les actions de cet homme. M. Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulet, d'œufs, de beurre et de blé. Il possédait un moulin dont le locataire devait en sus, du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le sang et la farine. La grande Nanon, son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus jeune, boulangeait elle-même tous les samedis le pain de la maison. M. Grandet s'était arrangé avec les maraîchers, ses locataires, pour qu'ils le fournissent de légumes. Quant aux fruits, il a récolté une telle quantité qu'il en faisait vendre une grande partie au marché. Son bois de chauffage était coupé dans ses. Ses seules dépenses connues étaient le pain bénit, la toilette de sa femme, celle de sa fille et le paiement de leur chaise à l'église, la lumière, les gages de la grande Nanon, l'étamage de ses casseroles, l'acquittement des impositions, les réparations de ses bâtiments et les frais de ses exploitations.